Je voudrais, j'aimerais, en allemand, se dit ich möchte. Ich möchte, möchte. Möchte s'écrit M-O-Umlaut, donc au tréma, C-H-T-E. Möchte. C'est un nouveau verbe porte-manteau. Möchte. Dites d'abord me, puis ch'te, avec le ch de ich. Möchte. Ich möchte. À vous. Möchte. Ich möchte. Möchte. Vous avancez les lèvres pour dire me, puis vous allez chercher le de ich en souriant et vous finissez par t. Allez-y. Möchte. Möchte. Möchte. Encore une fois, c'est le ch de ich. Et vous finissez par t. Ch'te. Möchte. Möchte. Donc si ich möchte, c'est j'aimerais, je voudrais. J'aimerais le faire, ça donnera ich möchte es tun. Möchte est un verbe porte-manteau. Donc tun est rejeté en fin de phrase. Et comment diriez-vous j'aimerais le voir? Ich möchte es sehen. Ich möchte es sehen. Et j'aimerais vous voir. Ich möchte sie sehen. Ich möchte sie sehen. Bien. Et comment diriez-vous j'aimerais la voir? Ich möchte es haben. Haben. Ich möchte es haben. Ich möchte es haben. Ich möchte es haben. Pour il aimerait ou elle aimerait, quand il et elle sont au singulier, on emploie aussi möchte. Alors, comment diriez-vous il aimerait? Er möchte. Bien. Er möchte. Il aimerait le faire? Er möchte es tun. Bien. Er möchte es tun. Et il aimerait rester avec nous? Avec nous se dit mit uns. Uns. Uns. Ça s'écrit U-N-S. Uns, c'est en quelque sorte un nous mis sans dessus-dessous, puisque vous y retrouvez le ou, qui s'écrit U en allemand, puis le N et le S de nous. Uns. Et donc mit uns, avec nous. Comment dites-vous avec nous? Mit uns. Bien. Mit uns. Et il aimerait rester avec nous. Er möchte. Et er möchte rester avec nous. Après möchte, le second verbe est placé à la fin. Donc, on a d'abord avec nous, ce nous allemand mis sans dessus-dessous. Mit uns. Er möchte mit uns bleiben. Bien. Er möchte mit uns bleiben. Donc, vous voyez comme en français, on n'a pas toujours la même terminaison pour il ou elle au singulier ou pour cela. Normalement, on a un t. Mais là, er möchte, c'est la même forme que pour ich. Ich möchte. C'est la même chose, par exemple, avec je peux. Je peux se dit ich kann. Ich kann. Et il peut, er kann. On emploie là aussi la même forme. Il peut, er. Er kann. Er kann. Elle peut. Sie kann. Oui, sie kann. Essayons maintenant avec le S. Là encore, c'est la même forme. Es kann. Es kann. Oui, cela peut, ça peut. Et cela peut être. Es kann sein. Bien. Es kann sein.